بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer inchallah sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. وقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. Et donc on est arrivé à l'étude du chapitre lorsque l'auteur, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dit chapitre concernant la parole d'Allah, et certes Allah est audient et clairvoyant. وكان الله سميعا بصيرا, et certes Allah est audient et clairvoyant, dans une traduction relative. Donc dans ce verset, Allah Jalla wa Ala nous informe qu'il est Samir, qu'il est As-Samir ou Al-Basir. Il nous informe au sujet de deux noms sublimes, As-Samir, l'audient, une traduction relative, hein, ou Al-Basir, le clairvoyant. Et donc, on avait dit que ce verset, c'est le verset 134 de la Sourate An-Nisa. Donc, en guise d'intitulé à ce chapitre, l'imam al-Bukhari a évoqué le verset 134 de la Sourate An-Nisa. Et donc ici, il fait allusion à deux parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est As-Sami' ou Al-Basir, comme on l'a dit précédemment. Et on avait dit, dans la dernière allocution, on avait bien stipulé le fait que lorsqu'on ouvre le Coran, on peut aisément remarquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque souvent son nom As-Sami' et souvent lié, si vous voulez, le nom As-Samir est souvent lié au nom Al-Basir. C'est-à-dire qu'on retrouve dans maintes versets dans le Coran, lorsqu'on ouvre le Coran, lorsqu'on médite et on observe, on voit que le nom As-Samir est souvent lié au nom Al-Basir. Donc souvent, ils sont cités d'une manière conjointe. Et de ce fait, il est pertinent que l'auteur ait dédié un chapitre concernant ces deux noms parmi les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le premier nom mentionné ici, c'est As-Sami'a, le fait qu'Allah, jalla wa ala, soit l'audient. Et cela implique qu'Allah, jalla wa ala, entend tout, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit des paroles secrètes, que ce soit des paroles tenues dans des assises, que ce soit des paroles d'hommes, d'êtres humains ou bien d'animaux, tout ce qui se dit, Allah Jalla wa Ala l'entend et en a la connaissance, subhanahu wa ta'ala. On avait stipulé dans la dernière allocution que lorsqu'on dit qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui entend, exalté soit-il, cela sous-entend aussi bien qu'il entend, comme on l'a dit précédemment, toute parole proférée qui se dit, qu'elle soit tenue en public ou bien secrète, que ce soit des paroles dites et proférées de manière secrète, secrètement, mais aussi lorsqu'on dit Jalla wa Ala, qu'Allah entend, dans le sens, ça peut aussi vouloir dire qu'Allah exauce et répond aux demandes de ses serviteurs. Il répond aux invocations de ses serviteurs. C'est ce qu'on appelle istijabat al-masmu'a. Donc Allah Jalla wa Ala, lorsqu'on dit qu'il entend aussi, ça peut être dans le sens qu'Allah répond. C'est pour ça qu'on trouve des versets dans le Coran où il est dit qu'Allah entend les invocations. Par exemple, comme on avait mentionné dans la dernière allocution, le verset 39, on avait fait allusion au verset 39 de la sourate Ibrahim, lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam dit Inna Rabbi la sami'u du'a. Certes, mon Seigneur entend les invocations. Et on a dit cela sous-entend aussi bien qu'Allah Jalla wa'ala entend l'invocation, mais aussi qu'Allah répond à l'invocation. Donc il exauce les invocations. Et de là, on comprend bien, à présent, le musulman comprendra bien que ce n'est pas en vain que dans le Coran, Allah Jalla wa'ala nous informe à son sujet en nous disant qu'il est certes As-Samir ou Al-Basir, qu'il est certes celui qui entend tout. Il est l'audient, le clairvoyant, subhanahu wa ta'ala. De ce fait, le serviteur, il sait qu'il adore un Seigneur qui entend tout et que rien ne lui échappe. Et de ce fait, lorsqu'on invoque Allah Jalla wa'ala, vos invocations, Allah Jalla wa'ala les entend, subhanahu wa ta'ala. Et donc, vous avez vu, lorsque le musulman sait qu'il adore, qu'il appelle, qu'il invoque un Seigneur dont rien ne lui échappe, un Seigneur qui entend tout, et ben ça réconforte le serviteur et ça encourage même et ça invite même à l'invoquer, à l'appeler ce Seigneur, à l'invoquer et à savoir que lorsqu'on invoque notre Seigneur, notre Seigneur entend tout et il est celui qui répond et qui exauce les demandes de ce serviteur. Donc ça c'est pour cela que c'est un chapitre aussi qui est très important. Et de ce fait, les savants nous enseignent, et avant qu'on revienne, puisque dans la dernière allocution, on s'est arrêté sur l'explication, l'exégèse du verset 1 dans la sourate Al-Mujadala. Et donc, on va revenir sur le tafsir de ce verset. Mais avant, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, fait une très belle précision concernant l'audience d'Allah subhanahu wa ta'ala, une traduction relative, concernant le fait qu'Allah jalla wa'ala nous mentionne dans le Coran qu'il est celui qui entend tout. Et donc, il dit que si on observe les versets le cheikh va nous expliquer différentes considérations qu'il y a dans le Coran. Et de ce fait, si on observe certains versets dans le Coran, et si on lit certains versets où il y a la mention de l'attribut de l'écoute d'Allah ou bien de son nom sublime, qu'Allah est celui qui est Samia, alors on va comprendre. On va mieux comprendre après ce que va évoquer l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen. Il va évoquer trois sortes d'écoute ou d'entente, si vous voulez. Cheikh Ibn Uthaymeen ici va nous expliquer les différents sens ou sous-entendus, ce que sous-entendent parfois le nom As-Samir ou bien l'attribut. Donc il dit, parfois, lorsqu'on voit dans certains versets, il y a la mention du nom d'Allah Jalla wa'ala As-Samir, ça peut sous-entendre la portée générale du sens du terme, c'est-à-dire d'une manière générale. Allah Jalla wa'ala est celui qui entend tout, toutes les voix, toutes les paroles, que ce soit les paroles des hommes, que ce soit des bonnes paroles, que ce soit les mauvaises paroles, Allah a connaissance de tout cela et rien ne lui échappe. Que ce soit les paroles de bêtes, des animaux, des bestiaux, ou aswat al-hasharat, ou aswat al-baha'im, hatta dabib al-naml, par exemple, ala as-sakhrati as-samma yasma'uha Allah azza wa jal, fala yakhfa alayhi shay, wa hada huwa as-sam' bil ma'na al-'am. Donc, on a des versets, vous avez vu, où lorsqu'il est mentionné qu'Allah Jalla wa'ala est celui qui est l'audient, c'est dans un sens général qu'Allah Jalla wa'ala entend tout. Que ce soit toute parole proférée dans cet univers, Allah Jalla wa'ala en a la connaissance. Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit même hatta dabib an-naml ala sakhrati as-samma yasma'uha Allah Jalla wa'ala. Il dit même la marche, par exemple, des fourmis. Même la fourmi, qui serait, par exemple, il appelle ça as-sakhrat as-samma. En arabe, as-sakhrat as-samma, c'est un rocher, ce sont les rochers massifs. Et bien même, par exemple, dans Une nuit obscure, par exemple, sur un rocher massif, cette marche des fourmis et les fourmis, cela n'échappe pas à Allah. Allah les entend. Que ce soit des insectes, les animaux, tout ce qui il y a dans cet univers, tout ce qui se profère, tout ce qui se dit, chaque son, chaque bruit, Allah Jalla wa Ala entend cela et en a la connaissance. Et dit là, irfa alayhi shay. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, l'audience dans son sens général et global. Ensuite, parfois, vous trouvez que dans le Coran, il y a des versets où il y a la mention de l'audience, qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui entend, mais c'est une connotation de menace, on va dire. Ça sous-entend, ça dénote une sorte de menace. Comme Allah Jalla wa Ala dit dans un verset, Amir Sabouna Anna, لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون est-ce qu'ils pensent أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم est-ce qu'ils pensent que nous n'entendons pas leurs paroles secrètes leurs paroles tenues secrètes hein, dites secrètement ou bien leur assemblée bien au contraire et nos messagers auprès d'eux inscrivent écrivent donc vous avez vu là. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala mentionne l'audience, qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui entend leurs paroles secrètes et même tenues en assemblée, cela sous-entend et dénote la menace, qu'Allah Jalla wa Ala entend cela. Regardez dans le verset 181 dans Sourate Ali Imran, dans la Sourate Ali Imran, lorsqu'Allah dit لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ Allah a certes entendu la parole de ceux qui ont dit. Donc regardez, Allah Jalla wa Ala dit, Allah a certes entendu les paroles de ceux qui ont dit, Allah est pauvre et nous sommes riches. La parole de ceux qui ont dit cela, qui ont blasphémé au sujet d'Allah, Allah a entendu leurs paroles, alors que eux ont dit qu'ils étaient riches et qu'Allah Jalla wa Ala était pauvre. Allah, lorsqu'il dit qu'il a entendu cette parole, ici ça dénote la menace. Et aussi parfois, ça peut sous-entendre yuradu bihi at-ta'yid. Yuradu bihi at-ta'yid. Comme dans l'exemple d'un verset dans Sourate Taha, lorsque Allah nous informe au sujet de Moussa et de son frère Haroun, et Allah Jalla wa Ala leur dit, Qala la takhafa. Allah leur dit, n'ayez point peur. N'ayez pas peur. Qala la takhafa. Innani ma'akuma asma' wa ara. N'ayez pas peur. Innani ma'akuma. Asma'u wa ara. Certes, je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Donc regardez, ici, en quelque sorte, Allah Jalla wa Ala a rassuré le prophète Moussa et son frère Haroun, hein, qui était prophète aussi. Allah Jalla wa Ala ensuite avait fait de Haroun un prophète, lorsque Moussa avait invoqué Allah Jalla wa Ala. Et donc Allah, en s'adressant à Moussa et Haroun, il leur dit à tous deux, N'ayez point peur, il les rassure. Il les rassure, il leur fait part de son appui et de son soutien. C'est pour cela que, ici, l'auteur du commentaire nous dit, l'écoute d'Allah, l'audience d'Allah ici sous-entendue dans ce verset, dénote l'appui d'Allah, son soutien et son secours, ce qu'on appelle at-ta'yid en arabe. Yuradu bihi at-ta'yid. Lorsque Allah Jalla wa Ala leur dit, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Certes, n'ayez pas peur, je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Fal muradu bis sam' huna sam' at-ta'yid wa an-nasr wa al-mudafa'a. Fa hadhihi aqsam as-sam' alladhi bi ma'na idrak al-masmu'. Donc vous avez vu, vous pouvez constater que dans le Coran, lorsqu'on observe, lorsqu'il y a dans certains versets la mention et l'évocation de as-sam', de as-sam', et on l'a traduit dans les paroles qu'ont précédées, alors ça peut dénoter le sens général, le fait qu'Allah, Jalla wa Ala, comme on l'a dit précédemment, entend tout et rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala, bima'na al-'am, kama qulna, fas-sam'a bima'na al-awwal, bima'na al-'am, ou parfois, ça peut sous-entendre at-tahdid, taratan yuradu bihi at-tahdid, التهديد. Deuxièmement, parfois ça peut sous-entendre la menace, comme on l'a dit précédemment. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Par exemple, dans ce verset. Et troisièmement, thalith yuradu bi at-ta'yid. Et parfois, ça peut dénoter la pluie et le soutien et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné dans le verset concernant Moussa ou Harun, lorsqu'Allah jalla wa ala leur dit la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ça, je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Et en ce qui concerne le sens de As-Sam'a concernant l'exaucement et la réponse favorable d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant la vocation, ça on l'a mentionné tout à l'heure par rapport au verset qu'on a dit, le verset 39 de Sourate Ibrahim, lorsqu'Allah dit Inna Rabbi, lorsqu'Allah dit au sujet de Ibrahim, lorsqu'il dit Inna Rabbi la sami'a ad-du'a, la sami'a ad-du'a, certainement Seigneur est celui qui entend les invocations dans le sens comme on a dit, celui qui répond favorablement, celui qui exauce les invocations. Et vous avez même l'exemple. Ce qui va dans ce sens-là, dans la prière par exemple. Tout le monde dit dans la prière, lorsque on dit « Sami'a Allahu liman hamida »« Sami'a Allahu liman hamida » lorsqu'on est en inclinaison, en position d'inclinaison dans la prière. Ensuite, lorsqu'on se relève, on dit « Sami'a Allahu liman hamida » Quel est le sens de « Sami'a Allahu liman hamida » Le sens c'est, sens littéral, hein, une traduction littérale, « Allah a entendu celui qui le loue ». Allah a entendu celui qui le loue. Donc vous avez vu, à chaque fois que vous êtes dans votre prière, lorsque vous priez, vous êtes incliné, lorsque vous relevez de l'inclinaison, vous dites « Sami'a Allahu liman hamida »« Rabbana wa lakal hamd » Avant de dire « Rabbana wa lakal hamd » vous dites « Sami'a Allahu liman hamida » « Sami'a Allahu liman hamida » Donc littéralement, ça veut dire « Allah a entendu celui qui l'a loué, celui qui l'a loué ». Et l'auteur du commentaire nous dit Samir Allah ou Samira Huna bimarna estajaba liman hamida. Et donc Sheikh Al-Athaymi nous dit le sens de cela ici dans la prière, lorsque on dit Allah a entendu celui qui l'a loué, qui lui a fait les louanges, si vous voulez, c'est dans le sens Allah Jalla Wala répond favorablement à celui qui l'a loué. Répond favorablement à celui qui l'a loué. Bimarna istajaba liman hamida. Walaysa al-murad bidharika mujarrad sama' sawt al-hamid. Walaysa al-murad, kama qal al-shaykh rahimahullah, bidharika mujarrad sama' sawt al-hamid. Bel al-murad bidharik istijaba. Istijabatu. Istijabatu. Regardez, ensuite, Sheikh Al-Athaymin dit, donc le sens ne veut pas dire seulement qu'Allah a entendu. Qu'Allah a entendu la voix du loueur, de celui qui fait les louanges. De celui qui fait les louanges. Ça ne veut pas dire cela seulement. Le sens ne se restreint pas à cela. Mais, bel al-murad, le sens, c'est qu'Allah a entendu et répond. Et répond à celui qui l'a loué. Donc voilà le sens. Lorsqu'on dit dans la prière, Samir Allah ou liman hamida, donc littéralement en arabe, hein, on dit Allah a entendu celui qui l'a loué. C'est dans le sens qu'Allah lui répond aussi. Allah lui répond favorablement à celui qui l'a loué. Donc voilà le sens de cela. Ensuite, Sheikh Al-Athaymin, rahimallah, après qu'il ait expliqué cela, il va expliquer ensuite certains points et ensuite il va expliquer le verset. Donc hier, on s'était quitté. On avait terminé notre allocution, notre cours sur le verset. Donc on va essayer d'avancer puisqu'on a du travail dans ce chapitre aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'enseignements. Donc on va continuer sans plus attendre. Donc l'imam al-Bukhari, c'est très pertinent ce qu'il a rapporté à ce moment-là. Ensuite, après avoir cité le verset 134 de Sourate An-Nisa, là il va mentionner le récit concernant la révélation du verset de la sourate Al-Mujadala. La sourate Al-Mujadala. On pourrait même dire la sourate Al-Mujadila, comme elle a été appelée avec Al-Kasra. La sourate Al-Mujadila. Al-Mujadila, c'est celle qui a débattu, en quelque sorte. Comme on verra dans l'explication du verset. Faqal al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, ensuite il dit, après avoir mentionné le verset, il dit « وَقَالَ الْأَعْمَاشِ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ عُرْوَةٍ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا الآية قال الشارح الشيخ العثيمين رحمه الله ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجها، وكان زوجها قد ظاهر منها، قد ظاهر منها أي قال لها أنت علي كظهر أمي، قال لها أنت علي كظهر أمي. وكان يعدون الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، طلاقا بائنا. فلما قال لزوجه أنت علي كظهر أمي، فكان يعد هذا الكلام في الجاهلية طلاقا بائنا. وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها كبرت وأن لها أولادا من زوجها وأن زوجها ظهر منها وأن زوجها ظهر منها تشتكي إلى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاورها وييسر عليها الأمر، ولكنها أبت وأصرت، فأنزل الله تعالى هذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلوك في زوجها أي في شأني وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. سبحان الله، والله عز وجل فوق عرشه يسمع كلامها ويسمع محاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاورته لها. فاستغربت عائشة رضي الله تعالى عنها بينما هي كانت في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت تسمع هذه المحاورة وهذه المجادلة، فكانت تسمع كما قالت أخبرت أنه لا يخفى علي بعض حديثها. سبحان الله، كما قالت والله عز وجل فوق عرشه يسمع كلامها ويسمع محاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاورته لها، مع أنها كان في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد خفي عليها بعض الكلام ولم يخفى على الله جل وعلا بعض الكلام. ثم قال الشيخ ابن عثيمين وتأمل كيف جاءت الآية بلفظ الماضي ولفظ المضارع، قد سمع بلفظ الماضي ولفظ المضارع قد سمع والله يسمع، فجاء اللفظ بالماضي وكذلك في الآية جاء لفظ المضارع قد سمع والله يسمع. كما جاءت هذه المادة سمع بمعنى التعجب مثل قوله تعالى أسمع بهم وأبصر. أسمع بهم يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسمع سماعا حقيقيا، لأنه قال جل وعلا قد سمع والله يسمع. كذلك قيل في الآية الله قال في الآية قد سمع وقال والله يسمع. ولو كان المراد بذلك العلم ما صح، لأن علم الله تعالى كان سابقا، وهذا يدل على أن السمع متعلق بقول هذه المرأة حالا، حيث قال الله والله يسمع، ويسمع هذا فعل مضارع تدل على الحال. والله يسمع تحاوركما كذلك إن الله سميع بصير، هذه الجملة كالتعليل لما قبلها. ومن هنا أخذ أهل السنة أن الاسم إذا كان متعديا إذا كان الاسم متعديا فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات. هذا كلام جميل جدا للشيخ ابن عثيمين، يقول أن الاسم إذا كان متعديا فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات، وإثبات ما دل عليه من صفاه وإثبات الحكم كذلك. فيقول فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات، وهذا الإثبات إثبات ما دل عليه من صفة وإثبات الحكم. فقوله جل وعلا إن الله سميع بصير، هذا الاسم والصفة، هذا الاسم والصفة السمع والبصر والحكم، سمع ويسمع. فيجب علينا، ثم ختم الشيخ ابن عثيمين هذا الكلام بقوله فيجب علينا ألا نسمع ربنا ما يغضبه علينا، فيجب علينا ألا نسمع ربنا ما يغضبه علينا. إذا كان المؤمن يؤمن بأن الله يسمع كل قول يقوله، فإن ذلك يوجب ألا يقول قولا لا يرضي الله عز وجل. وهذه من ثمرات هذا العلم، أن الإنسان إذا عرف أن الله جل وعلا هو السميع فيجب عليه ألا يسمع ربه ما يغضبه عليه. إذا كان المؤمن يؤمن بأن الله يسمع كل قول يقوله، فإن ذلك يوجب ألا يقول قولا لا يرضي الله عز وجل. وهذا كلام جميل جميل جدا للشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc j'ai essayé d'avancer un peu au niveau du texte en arabe pour qu'on puisse avancer au sujet de, au niveau de la traduction et de l'explication en français. Donc on voit qu'ensuite l'imam al-Bukhari, donc comme j'ai dit précédemment, a fait allusion à la parole de Aïcha. Donc il rapporte la parole de Aïcha selon Al-Armesh, d'après Tamim, d'après Urwa, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc vous avez vu, hein, c'est des livres, hein, en l'occurrence authentique de l'imam Bukhari, et comme les autres livres de Sunan, comme l'authentique de l'imam Muslim, de Nasa'i, Ibn Majah, ou Tirmidhi, et autres d'Abu Daoud, d'Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, d'Ahmad ibn Hanbal, al-Muattal, l'imam Malik, et autres. Ce genre de livres, vous avez vu, les récits sont rapportés avec des chaînes de transmission. Donc l'imam al-Bukhari rapporte toujours les chaînes de transmission. Et de ce fait, vous allez trouver que dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, lorsque il y a l'imam Bukhari, parfois peut rapporter un athar, une parole d'un compagnon ou autre, un récit, sans qu'il y ait la chaîne complète de transmission, la chaîne de transmission complète. On appelle ça mu'allaq, c'est ça ta'liq. Ta'liq dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, c'est ça lorsqu'un récit est mu'allaq. Lorsqu'un récit il est mu'allaq, c'est le récit dénué de sa chaîne complète de transmission. Et Al-Muhim, important ici, donc, il rapporte la chaîne de transmission remontant jusqu'à Aïcha. Donc elle s'est étonnée. Elle s'est étonnée, Aïcha, pourquoi? Parce que comme on va le voir à l'explication de ce verset, on avait commencé à expliquer la révélation de ce verset, le premier verset dans la sourate Al-Mujadala, qu'on pourrait traduire de manière relative la sourate de la dispute, une traduction vraiment relative, hein, du débat, si vous voulez, de Al-Mujadala, de la polémique. Alors, Aïcha s'est étonnée puisque elle était présente, elle était dans le coin de la pièce, elle était dans l'appartement du prophète, dans la chambre du prophète, avec le messager d'Allah, lorsqu'est venue cette femme. Et malgré qu'elle était présente et elle a entendu les paroles de cette femme, certaines paroles lui ont échappé, tandis que pour Allah Jalla wa Ala, rien ne lui a échappé à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a tout entendu. C'est pour ça que c'est judicieux que l'imam al-Bukhari, à ce moment-là, du livre, et dans ce chapitre-ci, lorsqu'il dédie ce chapitre à l'explication de ces deux noms sublimes d'Allah, l'audience, une traduction relative à Sama, ou al-Basar, et la clairvoyance, il est judicieux qu'il ait rapporté ce athar de Aïcha avec ce récit, concernant la révélation de ce verset. Alors Aïcha, alors qu'elle était présente, il y a certaines paroles qui lui échappèrent. Tandis que Allah Jalla wa Ala, rien n'échappe à lui. Il a tout entendu, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ensuite, par étonnement, elle a loué Allah, elle a dit Alhamdulillah, il a dit wasi'a sam'ahu al-aswat. Elle a fait les louanges d'Allah, celui dont rien n'échappe parmi les voix et les paroles, si vous voulez. Et donc ici, elle vante, ici, elle fait les louanges d'Allah, celui qui entend tout, subhanahu wa ta'ala. Du fait que lorsqu'il y a eu la révélation du verset, alors Allah dans ce verset a fait part qu'il avait entendu la conversation du prophète sallam avec cette femme. Donc on avait commencé à expliquer hier quelle est cette histoire, cette conversation. Donc on avait dit, donc c'est une femme qui est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète se trouvait chez lui dans son appartement avec Aïcha. Et donc, vous savez, lorsqu'on dit que Aïcha était présente dans l'appartement, vous savez, l'appartement du prophète, en somme, c'est pas, lorsqu'on dit la chambre, la hujra, l'appartement, bien, la chambre, ce n'est pas comme à notre époque, des chambres vastes, parfois des chambres qui font 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, ou des appartements qui font 100 mètres carrés, 150, 200 mètres carrés, ce n'est pas comme ça. C'était vraiment des petites chambres, des petites pièces. Et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion et l'opportunité à Médine de visiter le musée qu'il y avait, le musée sur la vie du prophète, en somme, et la biographie du prophète qui était juste en face de la mosquée sacrée, de la mosquée du prophète, en somme, à Médine. Mais ensuite, avec l'extension de la mosquée, donc cette partie-là a été détruite, la partie du musée. Mais sinon, dans les années précédentes, donc, il y avait l'existence d'un musée qui relatait les différents événements liés à la biographie du prophète Sansam. Et en l'occurrence, ils avaient fait une sorte de maquette. Ils ont reproduit les appartements du prophète Sansam, par exemple la mosquée du prophète. Ils ont reproduit l'appartement du prophète Sansam. Et ils disaient, Wallahu a'lam, il disait ce qu'il disait dans le musée, c'était que c'était en taille réelle, que cela était en taille réelle. Donc, c'est une sorte de maquette. Donc, ils ont essayé, ou plutôt un appartement qui a été fait, ils ont essayé de reproduire l'appartement en taille réelle. Et ceux qui ont pu visiter cela, vous avez pu vous rendre compte de l'étroitesse. Hein. Vraiment, c'était une pièce vraiment étroite, vraiment, vraiment petite. Donc, lorsque Aïcha fait les louanges d'Allah en disant lorsqu'on dit qu'elle était dans partie de la pièce, dans un coin de la pièce et qu'elle a entendu la conversation, mais que lui a échappé certaines paroles de cette femme, vraiment, c'est pour ça qu'elle s'étonnait, elle dit alors que moi j'étais présente, certaines paroles m'ont échappé, Allah Jalla Wala, rien ne lui échappe. Pour ça ensuite, elle, d'un étonnement stupéfaite, lorsque le verset, parce que le verset est descendu dans la même assise, comme on va le voir dans l'explication de la cause de la descente de ce verset dans l'histoire du prophète Ansem avec cette femme. Donc, ensuite le verset est descendu, et là Aïcha stupéfaite, alors elle vanta Allah Jalla Wa'ala et fit les louanges d'Allah en faisant ses éloges et en disant, c'est ce que rapporte l'imam al-Bukhari, cette célèbre parole de Aïcha lorsqu'elle a dit Alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Et là, elle fit les louanges d'Allah en disant « Louange Allah, celui dont son audience embrasse tout. » C'est-à-dire Allah, Jalla Wala, rien ne lui échappe, il a tout entendu. Et effectivement, dans le verset, Allah, Jalla Wala, dit, dans une traduction approchée, « Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari, au moment où elle adressait sa plainte à Allah, et Allah entendait bien votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Car Allah, inna Allah, Sami'un basir, car Allah est audient et clairvoyant. » Donc regardez ensuite ce verset est descendu. Où Allah, Jalla Wa'ala, dans ce verset, donc c'est le premier verset de Sourate Al-Mujadala, comme on a dit. On avait dit hier que cette sourate, c'est une sourate médinoise pour la majorité des savants. Ils considèrent que tous les versets de cette sourate ont été révélés à Médine. Donc c'est une sourate qui est médinoise. Et c'est une sourate qui comprend 22 versets, qui est composée de 22 versets. Et dans cette sourate, donc Allah Jalla Wa'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari, au moment où elle adressait sa plainte à Allah, et Allah entendait bien votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. » Donc vous avez vu l'imam al-Bukhari, après qu'il nous a évoqué le verset lorsqu'Allah Jalla Wa'ala a dit qu'il est certes l'audient et le clairvoyant, une traduction approchée, ou as-sami' ou al-basir, il a évoqué la cause de la révélation du verset 1 de sourate al-Mujadala. Et comme on avait dit, en effet, donc une femme est venue voir le prophète sallam. Dans l'explication et l'exégèse de ce verset, dans les détails du récit, il nous est mentionné, et Shamran Thamin donc a expliqué, hein, la cause de la descente de ce verset dans ce que j'ai lu précédemment. Et il n'a pas précisé, il a expliqué d'une manière générale, il n'a pas précisé qui était cette femme. Cette femme, vous pouvez retrouver dans les livres Kutub al-Tafasir, les livres d'exégèse, qu'il s'agissait d'une femme qui s'appelait Khawla. Khawla bint Tha'lab. Donc c'était la fille de Tha'lab. Et Khawla, donc cette femme, qui avait atteint un âge avancé. Donc elle a atteint un âge avancé, elle était âgée, et son époux aussi était âgé. Et donc, elle est venue voir le prophète pour lui faire part de sa dispute avec son époux. Et donc son époux l'avait répudié. Et comme on avait dit dans la dernière allocution, il avait employé une formule qui était courante chez les Arabes lorsqu'ils voulaient répudier leur femme. Ils utilisaient une formule courante. Dans le sens, c'est que ils disaient à leur épouse, tu m'as interdite comme ma mère m'est interdite. Ça, c'est dans le sens. Sinon, la parole, littéralement, ils disaient, tu m'es interdite comme le dos de ma mère m'est interdite. Tu m'es interdit comme le dos de ma mère m'est interdit. Donc ça, c'est littéralement. Littéralement. Et ça sous-entendait clairement et sans aucun doute le divorce et la répudiation. Lorsqu'il disait « Ante alayya ka dhahri ummi »« Tu es pour moi comme l'est le dos de ma mère » en traduction littérale. Et donc ça sous-entendait à l'époque de Jahiliya, chez les Arabes, c'était un divorce qui était définitif et qui était irrévocable. Et de ce fait, elle s'en alla chez le prophète, sallam, voir le prophète, sallam, pour essayer de trouver une issue à cela. Pourquoi? Parce qu'à présent, elle était répudiée, elle était divorcée. Malgré toutes ces années qu'elle n'a pas, puisqu'elle est en âge avancé, elle arrivait à un certain âge, elle était âgée, son mari était âgé. Et vous savez, lorsqu'on atteint un certain âge, alors les personnes ils peuvent devenir caractérielles. C'est pour cela, parfois, lorsqu'une personne prend de l'âge, vous avez vu, il devient plus caractériel et parfois le caractère peut changer. Le caractère pour changer, c'est pour ça qu'on dit parfois les personnes âgées, certains deviennent caractériels. Et de ce fait, alors, son mari, comme il a rapporté dans l'histoire, il l'a divorcé, mais avec cette parole. À l'époque, cette parole chez les Arabes, c'était vraiment une parole qui dénotait vraiment la répudiation et le divorce. Et il n'y avait plus de retour à cela. Et donc, cette femme, pris de détresse, dans la détresse, alors s'en alla voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc lui fit part de cela. Mais ce qu'elle voulait, par rapport à tout ce temps qu'elle a passé avec son mari, malgré tout ce temps qu'elle a passé avec son mari, toutes ces années, elle ne voulait pas la séparation. Et ensuite, elle va faire part au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que lui, en réalité aussi, ne voulait pas la séparation. C'est pour ça que c'est connu, souvent le divorce, il est prononcé par colère. La personne, lorsqu'il est dans un état colérique, parfois, il peut prononcer le divorce. Et puis après, lorsque la colère se dissipe, la personne peut regretter. Souvent, les personnes regrettent le divorce. Et ensuite, ils cherchent un peu l'issue. L'issue, comment sortir de ce problème, puisqu'ensuite, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses où on ne plaisante pas. Le divorce, c'est une chose où la personne ne doit pas plaisanter. Et aussi bien le mariage, le divorce, il y a des choses que le prophète, ça me dit, on ne plaisante pas. Et lorsqu'une personne prononce un divorce, il n'y a pas de plaisanterie en cela. Cela est pris en considération. Bien sûr, il y a des règles par rapport à ça. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, dans tous les tenants, les aboutissants de tout ce qui est lié aux règles du divorce. Mais al-muhim, le divorce n'est pas une chose à prendre à la plaisanterie ou à la légère. Ou bien à la légère. C'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que la personne, l'homme, avant de prononcer le divorce, il doit être serein, il doit être sûr, certain de ce qu'il fait. Il doit vraiment être prudent. Il doit vraiment être prudent. Et donc, de ce fait, cette femme, lorsqu'elle alla chez le prophète, elle lui fit part que lui, il a dit cette chose, mais qu'elle voulait revenir avec lui et que cela, c'était un sentiment qui était réciproque et mutuel, donc elle cherchait une issue. Et pourquoi? Parce que lorsqu'ensuite, il est rapporté dans des différents énoncés, hein, dans des versions du récit, que lorsqu'elle s'est adressée à son mari dépourvu, lui a dit « ça y est, je t'ai répudié ». je t'ai répudié. Dépourvu, il savait qu'il avait prononcé la parole de répudiation et qu'il n'y avait pas de retour à ça. Et comme le stipule Shimon Hatzaimin, il dit à l'époque des Arabes, pour eux, ça sous-entendait ce qu'on appelle talaq al-ba'inan. Talaq al-ba'in, c'est vraiment celui qui est ensuite, il est définitif, il est irrévocable. Et donc ensuite, elle s'en alla chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se disant qu'elle va trouver une issue. Et lorsqu'elle fit part de ce malheur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa détresse au prophète, elle dit, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je ne trouve rien d'autre. Le prophète n'a rien trouvé d'autre que le fait tu lui es interdite. À présent, tu lui es interdite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait part de ce jugement. De ce jugement qu'à présent elle devenait interdite à lui, qu'elle lui était totalement et définitivement interdite. Et là, la femme, prise dans sa détresse, dans ce malheur, elle insistait. C'est pour cela qu'il est appelé la sourate, elle est appelée le Mujadala. Et c'est pour ça que Allah Jalla wa Ala, dans le verset, Allah Subhanahu wa Taala dit "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluk." Allah a entendu la parole de celle tujadiluk en arabe de celle qui en quelque sorte, débat avec toi, polémique avec toi, en quelque sorte, parce qu'elle insistait. Alors le prophète, lui dit, je ne peux rien, en quelque sorte, une traduction relative, je ne peux rien te dire d'autre que, à présent, tu lui es interdite. Et la femme vraiment était attristée, elle disait, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, et elle insistait avec le prophète en disant « Ô messager d'Allah, alors qu'il m'a pris, j'étais jeune, alors qu'il m'a pris, j'avais un rang, alors que j'ai fait tout ce chemin avec lui, je lui ai donné des enfants, à présent que j'arrive et j'atteins un âge avancé, maintenant il me répudie. À présent, il me répudie. » Et dans un énoncé, il est même dit qu'elle dit « Ô messager d'Allah, mais si mes enfants vont avec lui, alors... ils seront perdus, et s'ils viennent avec moi, alors ils seront affamés. Ils seront affamés. » Donc elle essayait de trouver les mots pour qu'ensuite, en quelque sorte, elle trouve une issue et que le prophète, en sallam, lui permette peut-être de revenir avec son mari. Donc elle voulait revenir avec son époux, mais le prophète, en sallam, lui disait qu'elle lui était interdite. Et ça, c'était la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, à ce moment-là, ne pouvait pas lui dire autrement, puisque c'était le jugement à l'époque. Donc le prophète, en somme, lui dit, je ne peux pas te dire autre chose, une traduction relative, je ne peux pas te dire autrement et autre chose que, à présent, tu lui es interdite. Et là, on se rend compte vraiment, si vous méditez vraiment, on se rend compte, regardez, le prophète, en somme, lui a donné du temps. Et regardez, les gens à l'époque venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est souvent rapporté, les gens venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète était beaucoup sollicité. Imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des lettres et des missives à différents rois pour les appeler à l'islam et à la parole La ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa Ala avait ordonné au prophète, c'était un ordre d'Allah, de transmettre la révélation et le message d'Allah. Alors le prophète, imaginez-vous, il avait beaucoup d'occupations, le prophète était occupé, donc il envoyait des messages, des missives à différents rois pour les appeler à la ilaha illallah. Imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toute cette charge de la communauté lorsqu'il était à Médine. Il y avait aussi bien des problèmes économiques, des problèmes de relationnel entre les gens. Le prophète gérait tout cela. Il y avait le munafiqoun, il y avait les hypocrites. Au sein même de la ville, à Médine, donc il y avait le problème avec les hypocrites, il y avait le problème avec les différentes tribus arabes qui se réunissaient contre les musulmans et contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'épisode que vous connaissez tous, les coalisés. Donc vous avez vu, tous ces problèmes étaient à gérer, avec toute la polémique et l'adversité et l'animosité des polythéistes de la Mecque. Des mouchriquines de la Mecque. Donc, regardez tous ces problèmes que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, gérait. Et malgré cela, lorsque les gens venaient à lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était ouvert, le prophète était à l'écoute des autres, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était attentif aux autres. C'est pour ça, c'est des choses vraiment à méditer. Relisez dans sa biographie, dans sa vie, vous allez voir, il y a des témoignages qui sont immenses à ce sujet. Et ça, c'est très important que le musulman et la musulmane vraiment ont vraiment cette connaissance concernant ces faits et concernant ces vérités lié à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam lui a donné du temps. Le prophète l'a écouté. Le prophète l'a écouté. Jusqu'à même, il est même rapporté dans une riwaya, dans une version, que même à un moment donné, même Aïcha s'est impatientée de voir cela, l'insistance de cette femme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il est même dit que le verset est descendu avant même qu'elle sorte, hein, de l'appartement, c'est-à-dire qu'ensuite, tellement elle est restée et tellement elle a assisté, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de là lui est venue la révélation. Et de là, ces versets sont descendus et Allah lui a révélé le verset lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ » Allah a certes entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari. Au moment où elle adressait sa plainte à Allah, et Allah entendait bien votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Allah est audient et clairvoyant. Et même à un moment, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait cette révélation, vous avez vu, parfois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en souffrait, c'était difficile pour lui. Donc il rougissait, il commençait à transpirer. Et lorsque Aïcha a vu la situation, a vu l'état du prophète, ensemble, à ce moment-là, elle s'est impatientée. Il est même dit dans une riwaya, elle s'est adressée à la femme en lui disant, regarde, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, traduction relative, hein, de l'explication de cette histoire. Donc, regardez le profond souci qu'il y avait et l'attention que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnait aux gens. Regardez, il est même rapporté une histoire à l'époque. L'histoire du célèbre compagnon Adi ibn Hatim. Donc Adi ibn Hatim, c'était à l'époque, c'était un dirigeant d'une tribu, il était à la tête d'une grande tribu arabe, hein. C'était la tribu de Ta'i. Pour cela, il était appelé Adi ibn Hatim al-Ta'i. C'était de cette région qui correspond aujourd'hui à cette région qui est au nord de la péninsule arabique. Au nord de la péninsule arabique, aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est la région plus précisément de Ha'il en Arabie Saoudite. Ha'il en Arabie Saoudite. À l'époque, c'était At-Ta'i. Et lui, Adi, était originaire de là-bas. Et donc lui, c'était le fils de Hatim qui était célèbre. Son père était célèbre aussi chez les Arabes. Et lui ensuite, Adi était célèbre aussi chez les Arabes. Et cette tribu de Ta'i, alors elle était divisée en deux au niveau de la religion. Certains étaient chrétiens, comme lui, Adi ibn Hatim était chrétien, et d'autres c'était des polythéistes, ils adoraient une divinité aussi. Donc c'était des mouchriks parmi les Arabes, et ils avaient une idole qu'ils adoraient. Et lui, Hatim, qui régnait donc sur cette tribu, qui était connue, qui était célèbre, à l'époque il y a une célèbre histoire. Alors que lui faisait partie des antagonistes, faisait partie de ceux qui avaient de l'animosité envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et même plus tard, hein, lorsqu'il a son histoire de sa conversion lui-même, il va relater, hein, sa conversion à l'islam, c'est une très belle histoire. Il va dire, je faisais partie de ceux qui détestaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je faisais partie de ceux qui avaient de l'animosité. Et il dit à l'époque, lorsqu'il va raconter sa conversion, il dit à l'époque, lorsque j'ai vu que beaucoup chez les Arabes commençaient à rentrer dans l'islam et les tribus environnantes commençaient à rentrer dans l'islam, alors il craignait qu'un jour que les musulmans viennent et s'attaquent à sa tribu ou viennent envahir sa tribu. Donc il avait mandaté un jeune berger pour à chaque fois vérifier et faire la garde que les musulmans ne viennent pas vers chez eux. Et un jour, le jeune berger vient lui informer qu'il y a des compagnons de Mohammed qui sont en repérage. Donc, il a eu peur ensuite qu'ils viennent vers chez lui pour envahir sa tribu en quelque sorte, sa province, sa région. Alors, il a ordonné qu'il a fait venir un chameau qu'il a approvisionné, il a pris des provisions, il a pris sa famille, après il s'en alla vers le Chem. Il est rapporté, hein, il dit qu'il s'en alla vers le Chem. Pourquoi? Parce que vers le Chem, c'est là-bas qu'il y avait beaucoup de chrétiens. Donc il s'en alla là-bas. Mais il est rapporté aussi qu'il n'avait pas pris sa sœur. Et plus tard ensuite, lorsque les musulmans vinrent ensuite, alors sa sœur fut prisonnière à Médine. Sa sœur fut prisonnière à Médine. Et là, il y a, nous pour résumer, hein, alors lui, le fait qu'il soit arrivé au Chem avec sa famille, cette situation, le fait d'avoir émigré, le fait d'être arrivé au Shem, le fait d'être loin des siens. Et lui, il avait l'habitude de cette vie avec les Arabes, puisqu'à la base, c'était un Arabe. Donc, cette situation ne lui plaisait pas. Et il n'était pas à l'aise dans cette situation. Et il y a une histoire aussi, lorsque sa sœur était à Médine, il y a l'histoire de la générosité, vraiment le comportement que le prophète Sansem a eu avec sa sœur. Et le prophète Sansem, il est rapporté qu'ensuite il a libéré sa sœur, elle voulait retourner vers le Shem, elle lui a dit j'ai de la famille, et le prophète Sansem l'a laissé repartir vers le Shem, et il est même rapporté dans certaines versions que le prophète Sansem lui a donné une monture, et avait dit à la sœur de Hadi, il lui avait dit, alors que Hadi faisait partie des ennemis, des adversaires du prophète Sansem, de ceux qui le détestaient vraiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait juste dit à la sœur de Hadi, dans une version elle est rapportée, qu'il lui aurait dit juste qu'elle voyagerait lorsqu'elle trouverait une personne de confiance pour l'emmener vers le Shem, vers sa famille. Plus tard, lorsque elle revint et elle alla rejoindre son frère vers le Shem, elle lui fit part de la générosité de Mohammed. Et lui, Hadi, ensuite, voulait revenir dans la péninsule arabique. Donc, je vais vous passer tous les détails. Sauf qu'à un moment donné, il va s'en aller à Médine. Il va aller à Médine. Et lorsqu'il alla à Médine, c'était pour rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète aussi espérait cette rencontre avec Hadi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, il est rapporté qu'il espérait cette rencontre. Et lui, Hadi, Ibn Hatim avait entendu cela, ça lui était parvenu, donc il s'en alla à Médine pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a vu le prophète, il a rapporté qu'il l'a vu à la mosquée. Donc il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. Et là, lorsqu'il salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à son sujet, mais qui était-il? Il lui a dit, mais qui es-tu? Et là, il lui a dit, je suis Hadi ibn Hatim. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors ensuite, vous savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnait vraiment de l'attention. Regardez, c'est encore un exemple. Et vous allez voir dans cette histoire les exemples qu'il y a où que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était vraiment attentionné envers les autres. Et ça, c'est des comportements qu'on doit adopter du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ensuite, il se leva et fit signe à Hadi de le suivre. Donc le prophète sallam ensuite a pris Hadi. Le fait que Hadi n'était pas n'importe quelle personne, c'était un dirigeant, il dirigeait sa tribu. Donc c'était une personne qui était en quelque sorte influente dans la péninsule arabique. C'était une personne influente et le fils d'une personne aussi à l'époque qui était célèbre et qui était influent. Pour cela, ce n'était pas n'importe quelle personne, Hadi ibn Hatim. Donc le prophète sallam, le fait que Hadi était célèbre, c'était une personne qui était influente, une personne qui avait une sorte de notoriété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite lui a fait signe de le suivre. Donc il l'a pris, il l'emmena chez lui. Et là, Hadi lui-même témoigne. Il dit, alors que nous étions en chemin, alors il est rapporté dans certaines versions du récit qu'une femme arrêta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme qui était vraiment dans une situation difficile, qui était dans la détresse, elle arrêta le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète s'arrêta. Et donc, elle s'adressa au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui fit ses requêtes. Elle lui fit part de sa détresse. Et là, Hadi, stupéfait. Parce que pour lui, Hadi va rencontrer, pour lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une sorte de roi. Pour lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le voyait comme un dirigeant, une personne qui a un pouvoir, à Médine, etc. Donc, il le voyait comme un dirigeant, comme une sorte de roi. Et là, il va s'étonner. Il va vraiment être stupéfait du comportement du prophète. Parce que les rois, ce n'est pas leurs habitudes que lorsqu'une personne les arrête dehors, de prendre du temps avec elle, de les écouter, d'écouter leurs demandes, d'écouter leurs requêtes, etc. Et de prendre vraiment du temps et de rester sous la chaleur du désert. Imaginez-vous. Généralement, ils mandatent une personne. S'ils se font arrêter, ils mandatent une personne. Voyez avec mon ministre, ou voyez avec mon adjoint, ou voyez avec un tel ou un tel. Donc, ils mandatent et ils délèguent. Mais là, le prophète même ne mandate pas. Il ne délègue personne. Le prophète, il était à lui-même à l'écoute des autres. Donc, cette femme lui fit part et le prophète même prit du temps avec elle à l'écouter. Ensuite, le prophète même lui répondit. Et Hadi voit que il est resté sous la chaleur du soleil, du désert, il a pris du temps avec cette femme, et là, Hadi, il a dit, ça, ce n'est pas le comportement de roi. Ça, ce n'est pas le comportement de roi. Et là, il n'en est pas à son premier étonnement. Certaines versions mentionnent ensuite D'autres qui ont arrêté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre homme aussi qui était pauvre, qui était dans le besoin, qui a arrêté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a écouté, lui a donné de l'attention. Et jusqu'à ce que Adi était vraiment étonné. Al-Muhim, lorsque Adi arriva chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors chez le prophète, il y avait, pour s'asseoir, il est mentionné dans l'histoire, il n'y avait qu'une sorte de wisada. Il est mentionné, le wisada, c'est une sorte d'oreiller. C'est une sorte de coussin, si vous voulez, un coussin. Et là, fait de palmier. Et là, le prophète, sans même l'a tendu à au fait de cuir plutôt ce coussin. Et l'a tendu à Adi. Il l'a tendu à Adi, alors qu'il n'y en avait qu'un. Et Adi lui a dit non, prends-le-toi. Il lui a dit prends-le-toi, Mohammed. Et le prophète sallam lui a fait signe non, assistez, prends-le-toi. Donc Adi ensuite s'est assis dessus et lui le prophète sallam s'est assis à même le sol. Il s'est assis à même le sol. Et là Adi fut vraiment étonné. Il s'est dit mais ça c'est pas le comportement de roi ça. Ça c'est pas le comportement de roi. Et là il a commencé vraiment à douter. Et en réalité pourquoi? Parce que ça c'est le comportement des prophètes et des messagers. Tout ce que voyait Adi, c'était le comportement de prophètes et de messagers. Comme cela étaient les prophètes et les messagers. Et une personne, lorsqu'il est en compagnie d'un prophète, d'un envoyé d'Allah, il ne peut que s'étonner. C'est pour ça, lisez vraiment dans la biographie du prophète, vous allez voir l'ajab, l'ujab, des choses vraiment étonnantes. Vraiment des comportements, c'est pour ça qu'on a le meilleur modèle et le meilleur exemple au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, regardez. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était assis avec Adi ibn Hatim, alors là, il s'adressa directement. En quelque sorte, on pourrait dire avec nos termes à nous familiers, le prophète est passé aux choses sérieuses. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé pourquoi il ne disait pas la ilaha illallah et pourquoi il n'embrassait pas l'islam. Regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son profond souci, c'est que les gens embrassent l'islam. Et là, le prophète va dire quelque chose vraiment vraiment de très pertinent. C'est vraiment, le prophète va dire une chose, vraiment, si on médite ça, même pour nous, à l'heure actuelle, c'est un grand rappel pour nous. Alors, il lui fait part, le prophète, parmi les choses dont il lui fait part, il lui dit, tu veux pas te convertir, tu veux pas dire Allah et l'Allah, puisque tu as vu, et regardez, hein, le contexte qu'on a dit, lorsque le prophète marchait vers sa maison, les gens qui venaient, alors des gens dans la détresse, des gens pauvres, alors il dit à Adi, tu veux pas te convertir, tu dis pas Allah et Allah parce que tu vois que les musulmans, ce sont des gens faibles et pauvres. Regardez. Alors que lui, c'est le chef d'un clan. Lui a dit, c'est le chef d'un clan. Vous avez vu ces chefs-là? Eux, ils ne croient qu'en l'argent, ils ne croient qu'au pouvoir. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est ça, c'est le pouvoir, la richesse, l'argent. Alors le prophète lui fait part. Et vous avez vu, alors que Adi, lui, vient, il est en présence du prophète, il voit que les musulmans, beaucoup sont pauvres, faible. À Médine, il y a des problèmes économiques, le fait que beaucoup de musulmans, la réelle situation, c'est qu'il y a beaucoup de pauvres, il y a des faibles, il y a des personnes en âge avancé, etc. Alors là, Adi réfléchit comme ça, regardez, le prophète vraiment lui dit une chose, tu veux pas te convertir, tu ne dis pas la ilaha illallah dans le sens relatif, hein. Vraiment c'est le sens de l'histoire. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à lui, parce que tu vois que les musulmans sont pauvres, imaginez-vous. Alors Adi voit que les musulmans sont pauvres, puis en plus il voit que les tribus arabes dans toute la péninsule, beaucoup de tribus se réunissent, hein, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans. Il voit la réaction des polythéistes arabes de la Mecque, les polythéistes de la Mecque, ils sont en animosité et qui colportent toutes choses de choses et qui se réunissent, hein, et qui complotent, rusent contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il voit toutes ces ruses, ces complots. Il voit que les tribus arabes sont autour des musulmans, qui complotent contre les musulmans, qu'ils à chaque instant réfléchissent comment exterminer les croyants. Imaginez-vous donc Adi, imaginez-vous la situation d'Adi. Comme à l'heure actuelle, regardez ce rappel pour nous, à l'heure actuelle, vous allez appeler une personne par exemple à l'islam, et combien de gens pour se convertir à l'islam, ils vont regarder le contexte, ils vont dire mais regardez vous les musulmans, vous avez le monde entier. Le monde entier parle de l'islam. Le monde entier est contre les musulmans. Regardez toutes les, on va dire les pays qui sont censés être les grands pays développés, des grandes puissances sont contre l'islam et complotent et rusent et ils sont contre vous. Alors que vous êtes en quelque sorte exposé à toute forme de polémique, à toute forme de médiatisation, etc. Donc la personne a une personne, par exemple, face à ce constat et cette réalité, allez, pour se convertir, Shaitan peut essayer de le dissuader par cette porte-là. Et regardez, c'est pour ça, c'est un grand rappel comment s'est adressé le prophète sallam à Adi. Regardez ce que va lui dire le prophète sallam. Il va lui faire part d'une région. Il va lui dire le nom d'une région. Connais-tu cette région? Et Adi, c'était une région qui était lointaine en Irak, plus précisément, qui était en Irak. Et Adi va lui dire, j'ai entendu parler de cette région. Le prophète sallam va lui dire, Ya Adi, sache que viendra un jour, si tu es vivant, tu verras la femme voyager de cette région. Donc c'était une région qui était en Irak. Tu verras la femme voyager de cette région jusqu'à la maison sacrée, la maison d'Allah, jusqu'à la Mecque, sans rien craindre. Sans qu'elle ne craigne rien. Alors vous saviez, à l'époque, dans la péninsule arabique, c'était connu que les gens craignaient les brigands, ceux qui attaquaient les caravanes, ceux qui attaquaient les voyageurs, ce qu'on appelle, si vous voulez, Qutta Turuq, ceux qui étaient qui barraient le chemin, qui pillaient, hein, les pilleurs de caravanes. Donc à l'époque, les gens avaient peur et ne voyageaient pas en sécurité. Et beaucoup de gens, que ce soit dans la péninsule arabique ou autre, se plaignaient de ça et avaient peur. Donc lorsqu'ils voyageaient, ils étaient sur le qui-vive. Les gens avaient peur et les gens ne voyageaient pas en sécurité. Donc, il n'y avait pas de sécurité pour les voyageurs. Et là, le prophète sallam fait part à Adi que viendra un jour où la femme pourra voyager de cette région d'Irak jusqu'à la Mecque, visiter la maison d'Allah, visiter la Mecque sans rien craindre. Elle pourra voyager en sécurité. Ensuite, le prophète sallam lui dit, viendra un jour. Regardez comment il s'adresse à lui. Il lui dit, viendra un jour aussi, Adi, que les musulmans détiendront les trésors de Kisra. Et là, Adi fut stupéfait lorsqu'il entendit le prophète sallam dire ça. Il lui dit, Kisra ibn Hormuz. Et là, le prophète sallam dit, oui, Kisra ibn Hormuz. Et là, le prophète sallam lui fit part de cette prophétie immense. Imaginez-vous, le règne de Kisra à l'époque, c'était l'une des plus grandes puissances à l'époque mondiale, hein. Il régnait sur ce qui est équivalent aujourd'hui, hein, ce qui représente aujourd'hui l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, imaginez-vous, hein, et autres. Donc Kisra régnait sur tout cela, son pouvoir s'étendait sur toute c'était la Perse, sur l'Iran, l'Irak actuel, l'Afghanistan et autres. Et là, stupéfait, donc lui, Kisra à l'époque était renommé, faisait partie des rois qui étaient renommés. Et là, le prophète Sam lui fit part que viendra un jour que les trésors de Kisra appartiendront aux musulmans. Et que les musulmans, justement, vont conquérir ces terres. Et là, Adi était stupéfait. Donc il y a eu une discussion, un dialogue qui aboutit à la conversion de Adi. Et Adi ensuite sut que celui qu'il y avait en face de lui ne pouvait être qu'un prophète et un messager. Pourquoi? Parce que le prophète aussi, parmi les choses qu'il va lui dire, alors que Adi était chrétien, mais Adi, lui, avait une croyance particulière au sein du christianisme. Adi, si vous voulez, appartenait à une sorte de secte. C'était un mouvement minoritaire à l'époque au sein des chrétiens. Donc c'était une croyance que professait Adi qui n'était pas, on va dire, officialisée par les chrétiens de l'époque du Shem. Donc c'était une sorte de groupe au sein des chrétiens qui était marginalisé. Du fait, c'était une sorte de groupe minoritaire, une sorte de secte. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui fit part de cela. Et là, Adi était étonné de cela. Donc ça, c'est vraiment le sens de l'histoire pour pas trop vraiment s'étaler, puisque l'histoire est plus longue. Je vous réfère à cette histoire, une très belle histoire. Et Adi, ensuite, a embrassé l'islam. Et il a reconnu que cet homme ne pouvait être qu'un prophète et messager. Et plus tard, Adi va raconter cette histoire. C'est lui-même qui va la raconter. Vous pouvez retrouver l'histoire dans l'Authentique de l'Imam Muslim. Elle est rapportée par l'Imam Ahmed ibn Hanbal et jugée authentique par de nombreux savants spécialistes dans le domaine. Al-Muhim, parmi les choses que va dire plus tard Adi ibn Hatim, lorsqu'il va parler de sa conversion, il va raconter cette histoire qu'il a eue avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, lui-même Adi va vivre ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit. Et il va vivre lorsque va venir cette époque, le jour où la femme pouvait voyager d'Irak jusqu'à la Mecque pour visiter la maison d'Allah Jalla wa Ala, pour visiter Al-Kaaba, la Mecque en toute sécurité. En toute sécurité. Et il va vivre, il va faire partie de cette cavalerie, il va faire partie de cette armée qui vont conquérir la Perse. Donc lui, il va vivre la conquête de la Perse. Et lorsque les trésors de Kisra deviendront la propriété des musulmans, alors lui, il va vivre cela. Donc il va se rappeler de cette sorte de prophétie du prophète, ces informations que le prophète lui avait dit. Et effectivement, Adi ibn Hatim, plus tard, il va vivre, et il va vivre justement ces événements que lui avait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ceux qui témoignent vraiment, ceux qui ont vu le prophète, ils témoignent des nobles caractères du prophète. Et comme on l'a dit précédemment, regardez, le prophète donnait de l'attention à tout le monde. Même ses ennemis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, ses ennemis, les pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois témoignaient des nobles comportements et que le prophète, en réalité, était un homme qui était véridique. Regardez, parmi les grands ennemis du prophète, beaucoup ignorent. Beaucoup connaissent, par exemple, parmi les ennemis du prophète, que ceux vraiment qui avaient de l'animosité envers le prophète, il y avait par exemple Abu Jahl. Donc ceux qui sont célèbres, il y avait Abu Jahl, il y avait Umayya ibn Khalaf, il y avait le Walid ibn Mughira, par exemple. Il y avait Abu Lahab, l'oncle du prophète lui-même. Abu Lahab, il y a même des sourates, une sourate qui est descendue pour lui, des versets sur Abu Lahab. Donc ceux-là sont connus, il y avait de l'animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y en a un que beaucoup ignorent, qui était l'un des plus grands ennemis en réalité. L'un des plus grands ennemis. Et parfois, son animosité était l'une des pires animosités qu'il avait envers le prophète. Et il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme qui s'appelait An-Nadr ibn al-Harith. Lui, c'était un homme qui détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez un jour, Il s'adressa aux Quraysh, alors que les Quraysh commençaient à désespérer. C'était avant le blocus, avant qu'ils mettent en quarantaine tout le clan et la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'à peu près 7 années après, lorsqu'ils ont commencé à désespérer. Lui s'est adressé à eux en leur disant, son constat, alors qu'il fait partie des grands ennemis, parmi les plus grands personnages à l'époque qui ont comploté, et qu'on cherchait toutes sortes de stratagèmes pour lutter contre l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors en s'adressant aux Quraysh, il leur dit, il vous arrive vraiment quelque chose pour laquelle vous n'avez pas encore de stratégie. Et Mohammed a tout récemment été un jeune garçon parmi vous. Regardez ce qu'il dit, une traduction de ce qu'il a dit, rapproché. Il dit, il vous a donné satisfaction, a été franc avec vous, et a été d'une honnêteté remarquable, jusqu'au moment où, sur ses tempes, vous avez vu pousser des cheveux blancs. Ensuite, il vous a apporté ce que vous savez. Pour toute réaction, vous l'avez taxé de magicien. Non, par Allah, ce n'est pas un magicien, car nous avons vu les magiciens avec leurs nœuds et leurs soufflements. Vous l'avez pris alors ensuite pour un devin, et dit non, par Allah, ce n'est pas un devin. Nous avons vu les devins avec leurs activités. Ensuite, il leur dit, vous l'avez pris aussi pour un poète. Non, par Allah, ce n'est pas un poète. Nous avons vu la poésie et nous savons ce qu'est la poésie. Nous avons déjà entendu toutes les formes de poésie et autres. Vous avez enfin dit qu'il est fou. Et non, par Allah, ce n'est pas un fou. Nous avons vu le fou. Et nous connaissons le déchaînement, l'agressivité et la confusion d'un fou. Ô Quraysh, regardez comment il s'adresse à lui, dit, ô Quraysh, étudiez bien votre cas, par Allah une chose grave vous arrive. Par Allah une chose grave vous arrive. Et c'est lui ensuite qui va en quelque sorte pousser les Quraysh à aller chez les enfants d'Israël, à aller voir les Juifs qui eux connaissaient les livres. Et lui-même ensuite il va dire, il faut aller voir les enfants d'Israël parce que eux connaissent les livres et connaissent les prophètes. Alors ensuite, c'est là la célèbre histoire, lui-même ensuite, il va être mandaté par Quraysh, lui-même s'en ira voir les enfants d'Israël, les Juifs, et c'est là qu'ensuite il va leur faire part de ce qui se passe, et eux leur diront, posez-lui 3 questions. Et là, vous verrez réellement et véritablement si c'est un prophète. Posez-lui trois questions. Et lorsqu'il reviendra, donc il posera les trois questions. Donc il y avait les questions concernant les gens de la caverne. C'est pour ça qu'ensuite fut descendu la sourate de la caverne. Ensuite, El-Kahf, la sourate qu'on lit souvent le vendredi. Donc, sur les gens de la caverne, ils vont lui dire, pose-lui la question sur Dhul-Qurnayn, sur cet homme qui était Dhul-Qurnayn, et sur Ruh, l'âme. Et sur l'âme. Et donc, et ensuite, les Quraysh vont poser ces trois questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'aura pas tout de suite les réponses, il va attendre la révélation. Et donc, il y aura la révélation de la sourate La Caverne, et ensuite, un autre verset, en dehors de la sourate La Caverne, où il y aura la révélation du verset, lorsqu'Allah dit au prophète, il t'interroge au sujet de Ar-Ruh, dis-leur que Ar-Ruh fait partie de Amrullah, des ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, une traduction vraiment relative. Donc dans la sourate La Caverne, il y a allusion à l'histoire des gens de la caverne et de Dhul-Qurnayn, son histoire. Et dans un autre verset dans le Coran, Allah a révélé en ce qui concerne Ruh, l'âme. Et voilà, en quelque sorte, on va se quitter sur ça, Inch'Allah, et on continuera, Inch'Allah, sur l'explication du chapitre dans la prochaine allocution, si Allah nous le permet. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.